fille, fille, sois fière d'avoir une fille, toi que je ne connais pas, mais qui a mal à l'hôpital. Fille, fille, ton mari dit, nous l'appellerons Alexandre ou Napoléon, tu t'en fous, tu l'appelleras fille. Toute la chaleur du monde, toute la douceur du monde, comment pourrais-tu les regretter? Fille, ta fille, il faudra 100 fois plus l'aimer. Elle a des siècles à rattraper, lui dire qu'elle n'est pas une moitié, une moitié d'homme, mais quelqu'un d'entier. Fille, fille, prends ton pinceau, prends ta palette, prends ton piano, prends ta trompette, dis-nous comment tu vois le monde. Fille, fille, prends notre vieux livre des lois, dis-nous comment tu ferais, toi, que la justice l'inonde. Les temps sont venus, la terre s'ouvre à toi. Salut fille, dépouille ton masque, peinture lurée. Fille, ma fille, ce masque nous te l'avions mis pour jouer aux mille et une nuits, rassurer nos petites âmes. Pardon, madame, on paiera pour tout cela. Fille, fille, sois fière d'avoir une fille, toi que je ne connais pas, mais qui a mal à l'hôpital. Fille, fille, ton mari dit, nous l'appellerons Alexandre ou Napoléon, tu t'en fous, tu l'appelleras fille, fille.